trois jonquilles sur le guidon entre deux semaines de plomb. Contemplation des bourgeons, exégèse des giboulées, glanderie à la terrasse, marché aux fleurs qui marchent, flagrant délit bidineux, méditation soleilleuse, petite balade de printemps. On s'ouvre les hublots de la tête, on prend l'air et sa fille légère, une bulle, au long des grillages et des jardins ouvriers fleuris, au long des chemins de fer. Balade de repeinteurs de clôtures et regardeurs en l'air, des pousseuses de landau, des peintres des dimanches et des espoirs démesurés. Des espoirs ou désespoir, comment on l'entend, comment on l'écrit, on se le dirait pas aujourd'hui? Balade du râteau sur les graviers alors que se prolonge indécemment la crapuleuse grasse matinée. Pivoine charnue comme un jeudi. Conversation sous un cerisier. Grand débat sur les glycines et la taille des framboisiers. C'est la balade des petits riens et des secondes d'éternité. Quelle belle journée! Ah oui, ça, pour ça on peut pas dire. Et tout ce qu'on dit derrière, tout ce qui s'échappe, se tire. Ça va pas durer. Il faut en profiter. Plus tard, il sera trop tard. Notre vie, c'est maintenant. Un frisson sur la peau des choses, un flottement entre deux garces, deux gares, deux guerres, c'est selon. L'évidence de Camille dessinant un mouton. Il en faut de l'art pour vivre. Par exemple, ça ne va pas de soi, le bas de soi. C'est une idée, une révolte, une conquête, le bas de soi. Aussi important que barricade, que pavé, que plage. Il ne faut pas perdre le goût de ça. Je veux dire la nuque des nanas, je veux dire l'œuf à la coque dans le jardin le matin avec les mômes de Pierrot qui déconnent dans les branches. Je veux dire un vieil art blacké, la liste des courses pour le marché à Jouarre. Je veux même en dire encore moins. Taisons-nous, ça fera des vacances. Entre la soie, la panique et l'amour, balade sur le guidon entre deux semaines de plomb. 13 mars 1997, là-bas si j'y suis, Daniel Mermet. Micro ouvert. Je m'appelle Johnny. Elle était super drôle, dis donc, celle-là. Ça valait le coup de la faire. J'ai un copain à Lyon qui disait, je sais pas si vous avez remarqué, alors surtout en ce moment c'est très flagrant, c'est quand même très difficile de décrire des chansons engagées de droite aujourd'hui. Hein. C'est dur à assumer tout de même. Alors on laisse ça à Mireille Mathieu, à Michel Sardou. Et bon, alors ce pote s'appelait Mathieu Cotte et il a essayé de l'écrire lui-même, mais définitivement son cœur était à gauche. Donc il a demandé à deux copains qui ont dit d'accord. Donc c'est sur un texte de, si je me trompe pas, un texte de Brice Hortefeux et une musique de Bill Gates. Voilà, cette chanson s'appelle « Qu'est-ce qu'ils sont cons ?» Ok. Ok. Ok. On leur dit des efforts, ils disent ok. C'est de votre ressort, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons ? On leur dit ça augmente, ils disent ok. On leur dit ça augmente encore, ils disent ok, qu'est-ce qu'ils sont cons. On dit c'est la crise, on leur fout la trouille, on les culpabilise, la croissance part en couille, sauvez nos entreprises, défendez donc vos fouilles, ne voyez-vous pas les enjeux? Vos emplois sont en jeu, allez, achetez, achetez, achetez, achetez, achetez, achetez. On leur dit ça c'est vrai, ils disent ok. On dit ça c'est pas vrai, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons. On dit ça c'est beau, ils disent ok. On dit ça c'est pas beau, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons. On dit le bonheur à la portée de tous, un gros téléviseur, un écran 24 pouces. Vous n'êtes pas des losers, vous les niquerez tous. Vous pouvez devenir des stars, ouais. Vous pouvez gagner des milliards, allez. Regardez, regardez, regardez, regardez, regardez, regardez. On a le qu'est-ce qu'ils sont bons. On leur dit c'est la guerre, ils disent ok. On leur dit faut la faire, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont bons. On dit l'ennemi se cache n'importe où. Surveillez vos amis, restez planqués chez vous. Nos démocraties sont en danger partout. On dit insécurité, on dit état policier, allez. Paniquez, paniquez, paniquez, paniquez. Faites plus en plus chaud, faites plus en plus noir. Pendant qu'on gaspille ce qu'il reste, lâchez de vivre un peu modeste pour réparer, réparer, réparer, réparer, réparer. Rencontre. En fait, je peux dire ton nom, hein, Gérard. Bien sûr. Enfin, je veux dire, voilà. Gérard de Célis, dans sa maison. Voilà. Et j'avais envie de te rencontrer, Gérard, parce que bah, sûrement, t'as plein de choses à dire. Je ne sais pas. Tu dis ? Je ne sais pas si j'ai plein de choses à dire. Ah bah, j'espère, moi, en tout cas. On verra, hein. On verra. On verra. Et l'idée, en fait, c'était de te rencontrer et commencer comme ça à parler de journalisme, oui. Parler des médias, oui. Puisque ça a été essentiellement un de tes gros boulots, quoi. Voilà. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire pour démarrer là-dessus ? Que je ne veux plus être journaliste. En tout cas, plus comme je l'ai été dans un milieu... aussi pénible que la RTB, puisque j'ai travaillé une trentaine d'années à la RTB. Et ce qui était pénible, c'était la censure, la surveillance, les tentatives de limiter la parole. Et voilà. Donc j'ai passé ma vie professionnelle à me battre contre mes chefs, mes collègues. Parce que la censure venait aussi bien de mes collègues que de ma hiérarchie. Mes collègues n'acceptaient pas que l'on parle autrement, que l'on parle librement. Et voilà, quand je leur disais que quand ils parlaient de terrorisme, en parlant des Palestiniens, ils prenaient parti, ils étaient fâchés, ils ne comprenaient pas. Alors je leur disais, vous savez, les Allemands appelaient les résistants pendant la guerre, ils les qualifiaient de terroristes aussi. Et vous, quand vous qualifiez les Palestiniens de terroristes, vous êtes comme les Allemands pendant la guerre. Vous prenez le parti des nazis. Ça posait beaucoup de problèmes. Voilà. Je suis pas sûr d'avoir bien compris l'anecdote de Palestine allemand là. Enfin, tu vois, je comprends. Mais terroriste. Le mot terroriste utilisé par les nazis pour qualifier les résistants. Résistants que nous saluons tous comme des héros, parce qu'ils résistaient à l'occupant et aux atrocités commises par l'occupant. Donc les résistants étaient des gens bien, en général. Qu'ils, qu'ils soient qualifiés, qu'ils aient été qualifiés de terroristes par les nazis, ça charge ce mot de terroriste de tout un contenu très lourd. Et quand mes collègues qualifiaient les Palestiniens de terroristes, ce contenu était transposé à aujourd'hui. Et je ne l'acceptais pas. Et eux ne comprenaient pas que je ne l'accepte pas. Donc j'avais des discussions sans fin avec mes collègues. Le Noam Chomsky, qui est un spécialiste américain des médias, qualifiait les journalistes de intellectuels stupides. Et il expliquait que ce qu'il voulait dire, c'est que les journalistes étaient les premiers à répéter le discours dominant comme si c'était quelque chose de naturel. Or, ce n'est pas naturel. Le discours dominant n'est pas naturel. C'est un discours qui a un but d'asservir les gens, de les dominer, de leur faire accepter leur condition qui est inacceptable. Et voilà. Donc, c'est important, c'est important. Donc, je ne veux plus être dans ce milieu-là. J'ai horreur de ce milieu. D'ailleurs, je n'ai plus aucun contact avec mes ex-collègues de la RTB. Je suis à la retraite, bien heureux de l'être, et silence radio, si on peut dire, du côté de mes collègues avec qui j'ai travaillé 30 ans quand même. Voilà. C'est dingue ça, non ? C'est un peu triste, hein. Je trouve que c'est un peu triste, vraiment. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Enfin, je veux dire, c'est pas simplement 30 ans, c'est quand même énorme. Et puis, ce serait simplement des points de vue qui sont pas les mêmes ou des conflits qui font que plus aucun collègue... Il n'y avait pas vraiment de conflit. Un jour, un journaliste de la Libre Belgique m'a interviewé longuement parce que c'était l'été et qu'il n'avait pas de sujet. Et donc, il a choisi de m'interviewer comme ça pour remplir des pages. Donc ce journaliste de la Libre Belgique m'interroge surtout sur ma pratique professionnelle, mon parcours à la RTB, etc. Et à la fin de l'interview, il me demande s'il peut interviewer mes collègues. Je lui dis bien sûr, bien sûr. Et quand l'article est publié, donc, mon interview, c'était une page entière, et l'interview de mes collègues, c'était un quart de page, c'était un petit pavé. Et moi, je m'attendais à ce que mes collègues soient assez durs avec moi et me critiquassent. On m'avait dit, et c'était assez vrai, que mes collègues étaient jaloux de moi. Pourquoi jaloux ? Parce que j'avais beaucoup de succès, beaucoup d'audience. Que je publiais des livres qui avaient dont on parlait pas mal. Et pour un journaliste, un collègue qui publie des livres, c'est un chiard, quoi. Et donc je m'attendais à ça. Je m'attendais à ce qu'ils me critiquent sur ce plan-là. Eh bien, pas du tout. Leur critique principale, sinon la seule, dans l'article de La Libre, c'était que je travaillais trop. En fait, je ne travaillais pas trop, je travaillais à fond mes sujets. Quand j'interviewais quelqu'un, ben, je connaissais cette personne le mieux possible. Je m'étais renseigné, il n'y avait pas encore Internet à l'époque, mais je m'étais renseigné sur lui, sur ce qu'il avait fait, ou elle. Quand je traitais un dossier, ben, le dossier, je le connaissais de fond en comble. Même s'il m'a fallu des nuits et des nuits pour l'étudier, parce que comme je travaillais la journée à la RTB, beaucoup de la nuit aussi d'ailleurs, je profitais de mes nuits et de mes week-ends pour étudier mes dossiers. Et voilà. Oui. Ben, j'aurais deux... Oui. La première, c'est quoi, tes collègues, ok, sont des jaloux, sont des gros jaloux de toi. C'est ça l'explication, même aujourd'hui, le fait qu'il n'y ait plus de lien entre vous et ta vie de famille, par exemple. Qu'est-ce que ma vie de famille a à voir avec mes collègues ? Tu dis que tu prenais beaucoup de temps, que tu y allais à fond, que ça prenait la nuit, le jour. Comme tout parent, tu es mère aussi, donc tu sais ce que c'est. Tu aménages ton temps, ta vie, en fonction de tes enfants. Par exemple, comme je travaillais, j'étais tout à fait libre de faire ce que je voulais comme je le voulais. Je travaillais beaucoup la nuit, le week-end. Ce dont ma hiérarchie était bien contente, parce que j'étais, par exemple, j'étais collé au micro tous les jours fériés, le 1er de l'an, le 31 décembre, le 24 décembre. Et donc, ils étaient contents. Moi, je m'arrangeais avec mes enfants, je m'occupais énormément de mes enfants, mais des plages que je m'aménageais dans ma journée. Donc, je rentrais tous les jours à l'heure de l'école, de la rentrée de l'école, pour m'occuper d'eux, les aider à faire leurs devoirs, leçons et tout ça, rigoler un bon coup avec eux, leur faire à manger, être avec eux, quoi. Et donc, ils n'ont jamais souffert, je pense, de mes absences. Je n'étais pas absent, en fait. Quand je travaillais la nuit, j'étais à la maison. J'étais dans mon bureau, je travaillais. Ils savaient que j'étais là. Donc, j'avais pas de problème. Sur le plan familial, pas de problème. C'est parce qu'on parlait de l'énorme travail. Oui, reprenons aussi vers là. C'est-à-dire que oui, tes collègues étaient jaloux. C'est comme ça que t'expliques les choses, quoi. Voilà. C'est comme ça que l'expliquait ma... Mon éditrice allait parler de mes livres à la RTB, comme on parle des livres de tous les auteurs, on en parle à la radio, si possible. Ça s'appelle d'ailleurs faire une radio ou faire une télé. Plus on fait de radio sur un livre, mieux il se vend, puisque les gens en entendent parler. Et donc elle faisait le tour des rédactions. Et elle me disait, après avoir fait le tour des rédactions, elle me dit, c'est incroyable, incroyable. Ils sont jaloux. Et moi, je n'en revenais pas. C'était vraiment ridicule, quoi. Oui. Pourquoi? Enfin, après, on va passer à autre chose, mais pourquoi cette jalousie? Enfin, c'est quoi cette jalousie, au fond? Pourquoi? Parce que un écrivain, un auteur, a plus de... entre guillemets, renommé, surtout dans le monde intellectuel, qu'un simple journaliste. Et donc, le fait de publier un livre vous met sur le podium des journalistes, pour autant qu'il y ait un podium, sur la dernière marche. Et ça leur déplaisait. Voilà. Pour eux, j'étais un snob qui... et c'est un peu vrai. Comme je ne pouvais pas... C'est pas le fait que je sois snob. Comme je ne pouvais pas parler de certains sujets sur antenne, parce que ma hiérarchie me l'interdisait, ou me censurait, eh bien j'en faisais des livres. C'est tout. Donc voilà. Et cette idée de censure, est-ce que tu as un souvenir comme ça d'un truc très précis qui est pas passé, quoi, que tu as dû censurer? Bah, j'imagine qu'il y en a plein, mais vraiment une où tu te dis, mais c'est pas possible. Oui, ben j'étais moralement atteint, tellement c'était lourd. J'ai appris un jour, quand on a informatisé les rédactions de la RTB, que mon administrateur général, donc le patron de la RTB, lisait mes textes au moment où je les dactylographiais. Donc il avait accès à mon ordinateur. En secret, quoi, c'est ça que t'expliques ? Absolument, absolument. Mais lui, il y avait accès. On appelait ça les utilisateurs privilégiés. Donc les informaticiens de la RTB avaient fait en sorte que ma hiérarchie puisse lire mes textes, non pas quand mes textes étaient tapés, mais quand je les tapais. Donc, ils voyaient les mots s'aligner. Et mon brave administrateur général, je ne dirai pas son nom, téléphonait à ma rédactrice en chef, Simone Remond, pour lui dire « Ça ne passe pas, hein, ça ne passe pas. » Donc, 2 minutes avant que je parte en studio pour faire l'antenne, Simone Remond me disait « Non, non, ça ne passe pas. » tu fais pas l'antenne. Et voilà. Donc c'était épouvantable, quoi. C'était Orwell. Et Mais quoi, tu venais d'écrire quelque chose, et oui. C'était quoi le sujet? On peut en parler? Je ne sais pas, je me souviens plus précisément des sujets. C'est dommage. Non, mais... Non, parce que ça vaut la peine de voir si c'était important, si c'était pas important, non, si c'était... Le sujet, je parle. Hein, c'était ma manière d'aborder les sujets, justement. J'attachais beaucoup d'importance au contexte. Il ne suffit pas de dire... Il s'est passé ça, il faut expliquer, dans la mesure du possible, pourquoi il s'est passé ça. Essayer d'expliquer, de mettre en contexte l'événement. Et ça les dérangeait très fort, que je mette un événement en contexte. Par exemple, le 1er mai, c'est la fête du travail. La fête du travail, c'est l'aboutissement de dizaines d'années de revendications pour la journée des 8 heures. Eh bien, un 1er mai, à la RTB, je faisais l'antenne toutes les heures, et toutes les heures, ce jour-là, j'ai expliqué l'histoire du 1er mai. Donc, la grande émeute de Chicago, les morts, les manifs en Belgique, les 8 heures, en quoi les 8 heures étaient une conquête extraordinaire pour les travailleurs à l'époque. Et le ciel m'est tombé sur la tête. Mes chefs m'ont dit, mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Tu racontes de l'histoire, c'est pas ça l'information, c'est pas l'histoire. Je dis, mais oui, l'histoire, c'est de l'information. Remettre les choses dans son contexte, plutôt que dire c'est le 1er mai et c'est la fête du travail, et le Burton, le Premier ministre socialiste, a fait un discours stupide à l'occasion du 1er mai, c'est pas de l'information, mais raconter l'histoire du 1er mai, c'est de l'information. Je me souviens aussi quand Willy Peirce, donc le médecin qui s'était fait mettre en prison parce que il avait procédé à des avortements clandestins, parce que tous les avortements étaient clandestins à l'époque, c'est un ami, Willy Peirce. Donc sa femme me téléphone un jour, elle me dit, ils ont mis Willy en prison à Dinan. Tout de suite, j'en fais le titre de mes journaux, parler. Et mon directeur de l'information de l'époque, Étienne Charles Daillé, me téléphone en disant, si vous continuez à parler de ça, demain vous êtes à la porte. J'étais stagiaire, hein, j'étais pas encore nommé. Et j'ai mis ça en tête de mes journaux jusqu'à la fin de la journée. Donc à la fin de la journée, Étienne Charles Daillé me téléphone en me disant « Demain, vous êtes dehors. » Je dis « Écoutez, monsieur Daillé, mettez-moi à la porte si vous voulez, mais si les journaux en parlent, en première page, alors ne me mettez pas à la porte. » Il dit « Ok. » Et le lendemain, toute la presse titre sur l'arrestation de Willy Peirce. Et donc, mon directeur de l'information ne me met pas à la porte. Il râlait, mais il ne me met pas à la porte. Au contraire, il m'a dit... vous êtes courageux, je vous admire. Et je dis, c'est pas du courage, c'est de l'information, c'est tout. L'avortement est un gros problème en Belgique et il faut en parler. Faut pas... Bon, bref. Donc voilà le genre d'événement que j'ai vécu à la RTB, tout au long de ma carrière à la RTB. Hein, c'était... Alors, à la fin, j'ai contribué à la création du site internet de la RTB. Donc mon idée, c'était de faire une rédaction de journalistes qui ne ferait que de l'internet. Ça veut dire qui écrirait des articles, comme on peut le faire aujourd'hui sur Facebook ou sur n'importe quel site internet. Et très vite, les autres rédactions de la RTB se sont montrées très mécontentes parce que dans nos articles, on donnait nos sources. C'est la première fois de ma vie que je pouvais donner toutes les sources. Donc, par des liens, on donnait accès aux documents sur lesquels on se basait pour rédiger nos articles. Et ces documents montraient que ce qu'on disait du même sujet à la télévision ou à la radio n'était pas correct. Donc mes collègues radio et télé étaient très fâchés que nous déflorions leurs mauvaises habitudes, que nous les révélions au public. Et il y a pas mal d'internautes, d'ailleurs, qui nous téléphonaient en disant « Ouais, mais c'est incroyable! Vous racontez ça, vous donnez vos sources, et quand on lit les sources, on se rend compte que vos collègues mentent. » Je dis « Mais oui, c'est vrai, mes collègues mentent. » Et donc ça a fait toute une histoire. Et puis je suis tombé malade, et puis j'ai été mis à la pré-retraite, et... La première chose qu'a fait mon administrateur général, c'est de supprimer la rédaction Internet pour que ce genre d'incident n'arrive plus. Plutôt que de restaurer la vérité sur antenne, il a préféré sacrifier un de ses réseaux d'information. Scandaleux. Mais pourquoi au fond ? Parce que si j'entends bien tout ce que tu racontes, la RTBF, service public, on est d'accord que c'est un service public ? Oui. Maman, aujourd'hui ? Oui, en principe, oui. Attends, je vais te laisser te... c'est un service public, cette RTBF, pourquoi elle n'est pas transparente en fait ? Pourquoi c'est comme ça ? Pourquoi ça se passe comme ça ? En fait, la RTBF a été dirigée pendant très longtemps et jusqu'aujourd'hui par les socialistes. Donc le conseil d'administration est composé de la même manière que le Parlement. Si les socialistes sont majoritaires au Parlement, dans le conseil d'administration de la RTB, ce sont les socialistes qui sont majoritaires. Et étant majoritaires au conseil d'administration, c'est eux qui nomment toute la chaîne hiérarchique de la RTB, jusqu'aux petits journalistes de base. Et quand je suis entré à la RTB, c'était en 72, c'était déjà le Parti Socialiste. Or, moi, j'étais considéré comme un vilain gauchiste, donc à gauche de la gauche du Parti Socialiste. Donc, les socialistes n'ont eu qu'une idée en tête, dès mon entrée à la RTB, c'était de me mettre à la porte. Donc, ils ont tout essayé. Et c'était pas très amusant pour moi, parce que je devais beaucoup me défendre, mais c'était permanent, quoi. Et voilà, donc, le service public a été dévoyé par cet aspect politique, malheureusement. Et d'ailleurs, c'est les socialistes qui ont introduit la publicité à la radio-télévision. Moi, je m'étais battu en tant que délégué syndical, je m'étais battu à mort contre l'introduction de la publicité, en expliquant que tout ce que la publicité rapporterait à la RTB serait déduit de la dotation de l'État que l'État donnait à la RTB pour fonctionner. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, à peu près un tiers du budget de la RTB a été alimenté par la publicité. Et dès qu'on a de la publicité, il faut faire attention aux annonceurs. Ne pas déranger les annonceurs, sachant que les annonceurs majoritaires sont les marchands d'automobiles ou les marchands de pétrole, ben on ne pouvait plus dire du mal de l'automobile ou du pétrole. Donc impossible de dire que l'automobile polluait, que l'automobile était vraiment un grave problème pour la société, que le nombre d'accidents mortels ou non mortels chaque année en Belgique coûtait plus cher à la sécurité sociale que toutes les autres maladies accumulées. Donc impossible de dire ça. Moi, je le disais, mais j'étais puni, évidemment. J'étais puni. Et comment alors ? Comment puni ? Parce que pas viré, on n'arrivait jamais à te virer. Ça, je trouve dingue quand même, parce que j'ai l'impression que des fois, quand on veut te virer, ça va vite, quoi. Allez, éjecté. Comment ça se fait, ça, que ça n'est pas fait ? Le système, c'est que nous avons un statut de fonctionnaire. Or, pour qu'un fonctionnaire soit mis à la porte de son boulot, il faut qu'il fasse caca devant témoin sur le bureau de son patron. D'accord ? nous recevons en tant que fonctionnaires des punitions. Alors ça peut être le rappel à l'ordre, par exemple. J'ai été rappelé à l'ordre pendant 17 ans, deux fois par an. Pourquoi deux fois ? Parce que le troisième rappel à l'ordre m'emmenait automatiquement devant le conseil de discipline. Or, j'avais dit à mes patrons à la RTB que je viendrais devant le conseil de discipline avec le meilleur avocat de Belgique. Eux connaissaient très bien cet avocat, ils l'utilisaient d'ailleurs quand ils avaient des gros problèmes eux-mêmes, et ils se sont dit, si on a cet avocat dans les gencives en attaquant de Célis, ça va être très difficile, quoi. Et en plus, je leur disais, non seulement je prends le meilleur avocat, mais je donne une conférence de presse pour déballer tout le bazar. Pourquoi vous m'avez flanqué un rappel à l'ordre ? Je donne un exemple. Par exemple, un jour, ma hiérarchie me demande de faire un reportage sur le monde social chrétien en Belgique. C'était avant les premières élections européennes au suffrage universel. Donc je fais le tour du monde chrétien, j'interviewe des... Mais en quelle année, là, genre ? Je ne sais plus, okay. dans les années 70, 80, début des années 80, je ne sais plus. Et cette année-là, le secrétaire général de la CNE, la Confédération Nationale des Employés, qui est un syndicat chrétien, appelle ses affiliés à ne pas voter pour le parti social chrétien. C'était un précédent dans l'histoire. Jamais un syndicat proche d'un parti n'avait appelé ses militants à ne pas voter pour ce parti. C'était un précédent. C'était jamais arrivé. Donc, dans mon émission d'une demi-heure sur le monde social chrétien, je donne la parole au secrétaire général de la CNE qui avait lancé cet appel à ne pas voter pour le parti social chrétien. Et il a l'antenne pendant 30 secondes. C'est peu sur une demi-heure d'émission, c'est peu, alors que c'était vraiment un événement historique. Gérard Depré, qui était président du PSC, téléphone à mon directeur de l'information et exige qu'on me mette un rappel à l'ordre, une punition. Pour 30 secondes. Parce que j'avais fait mon boulot. Donc, je reçois mon rappel à l'ordre de mon directeur de l'information, toujours le Étienne Charles Daillé, qui tout gêné me dit je suis désolé, mais je sais que vous avez fait votre boulot, mais voilà, c'est Gérard Depré qui le réclame, mais voilà. Donc, si j'avais, dans une conférence de presse, révélé que j'avais été puni après un coup de téléphone de Gérard Depré, ça aurait fait un scandale, quoi. Donc, ils avaient peur de ça. Donc, ils ne m'envoyaient jamais plus de deux rappel à l'ordre par an, juste pour me faire peur, mais pas un troisième, parce que ça, là, c'est eux qui avaient peur. Voilà. Mais ouais, donc tu savais te défendre, quoi, c'est ça que tu veux dire, quelque part. Oui, tout à fait, je savais me défendre, oui. Mais qu'est-ce qu'eux défendaient, par contre ? Qu'est-ce qu'eux avaient envie de défendre ? Parce que c'est quand même... Toi, c'est ça que j'arrive pas bien à capter. Qu'est-ce qu'eux avaient envie de défendre, en fait ? Puisque toi, en fait, tu faisais ton boulot, comme tu dis... que tu donnais vraiment la parole aux gens, que tu n'avais pas envie de tromper, que... Pourquoi ça... Tu vois, c'est... Mais parce qu'ils détestaient, et détestent encore aujourd'hui d'ailleurs, qu'on révèle les dessous de certaines choses. Par exemple, en matière d'avortement, tout le monde savait que l'avortement clandestin provoquait un nombre de victimes, femmes, énorme, parce que se faire avorter par une faiseuse d'ange, comme on les appelait, donc les avorteuses non médecins, non médicales, qui tuaient les femmes carrément, tout le monde connaissait les chiffres, mais le monde chrétien en Belgique ne voulait pas entendre parler de l'avortement. Donc il était interdit d'en parler sur antenne. Voilà. Et quoi, donc ça veut dire en gros que la RTB de l'époque, en tout cas, de toute façon c'est encore comme ça aujourd'hui, je suis sûr, défendait des privilèges, les privilèges des gens. Oui, des privilèges et des interdits aussi. Respectait certains interdits qu'elle se mettait à elle-même. La classe dominante, dont les intellectuels sont les porte-parole, Je pense par exemple à un Bernard-Henri Lévy en France ou un Glucksmann qui sont des philosophes, entre guillemets philosophes parce que pour moi ils ne sont pas philosophes, d'extrême droite ou de droite, bien affirmés, tiennent le haut du pavé et le crachoir. Et tout ce qui va à l'encontre de ce qu'ils disent est mal vu. Mal vu par la classe dominante et donc par ses représentants intellectuels. Et voilà. Donc aussi ces médias, du coup, alors. Mais ça va avec. Mais bien sûr. Parce qu'on oublie, beaucoup de pointer aussi là-dessus. C'est-à-dire que les médias défendent leurs privilèges, veulent dominer en faisant de la... Je ne sais pas si tu vas être d'accord avec ce mot, à faire de la propagande. Mais oui, j'ai publié un livre qui s'appelle « Médias mensonges ». Ça dit tout quand même, hein. « Médias mensonges ». Ça a fait scandale à l'époque chez mes confrères, hein, parce que je dénonçais leur manière de travailler. La fameuse phrase de Noam Chomsky, que, selon laquelle les journalistes étaient des intellectuels stupides, évidemment je la cite dans le livre, et j'explique pourquoi. Oui, c'est un peu paradoxal, parce que il m'arrivait, comme journaliste, qui travaillait trop, comme disaient mes collègues, de déterrer des scandales énormes, quoi. Et donc, j'en faisais part sur antenne de mes découvertes. Et ma hiérarchie me poussait à faire ça. Parce que pour eux, ça faisait de l'audience en plus. De l'audimat, quoi. Donc, le petit Célis, c'est un chieur. Il nous fait peur, mais de temps en temps, il fait un tabac. Donc, poussons-le en avant. Voilà. Ça avait un peu ces retours de bâton parce que j'avais déterré tellement de scandales ou de choses dont on ne parlait pas que quand Van der Bist, le ministre socialiste liégeois, a été mis en prison dans le cadre, je pense, de l'affaire Kohl's, de l'assassinat de Kohl's, on m'a interdit d'antenne. Ils se sont dit à la RTB, si ce petit con se met à faire des recherches sur le Parti Socialiste, comme il fait des recherches sur tout le reste avec autant de succès, nous on est foutus. Donc on m'a retiré de l'antenne pendant un an, carrément. Donc j'étais payé par la RTB pour ne rien faire. C'est une blague, ça? Non, c'est pas une blague, c'est vrai. Moi, ça m'étonne pas, dans le fond. Mais c'est affreux, hein, parce que... Pour ton silence, n'empêche, c'est drôle, pour fermer ta gueule, on te payait à ne rien faire. Oui, c'est ça. C'est hallucinant, mais c'est comme ça. Ça ne m'empêchait pas de continuer à ennuyer ma hiérarchie, puisque j'étais délégué syndical, très remuant. Hein. J'ai provoqué des grèves à la RTB, je hissais le drapeau noir sur le toit de la RTB tous les matins. Non, c'est une blague. Non, c'est pas une blague. Je m'étais arrangé avec les huissiers, parce que les chefs de la RTB disaient aux huissiers d'aller retirer le drapeau noir, et je m'étais arrangé avec les huissiers, qui étaient des copains, c'est des travailleurs comme les autres, hein. Je leur disais, laissez-le jusqu'à 10 heures. Et donc, ils montaient sur le toit, seulement pour décrocher mes drapeaux noirs à 10 heures du matin. Voilà. Excellent comme histoire, oui, ça. Oui, c'était pas mal. Je m'amusais bien. Mais même, je me souviens de Robert Stéphane, qui a été administrateur général pendant justement un de ces conflits. Il me croisait dans les couloirs, il me disait « C'est génial ton tract, génial, ça m'a fait rire !» Et c'est vrai que je faisais des tracts qui révélaient des trucs sur les pratiques pas correctes de la hiérarchie de la RTB, mais de manière rigolote. Parce que je pense que l'humour est quand même un bon instrument. Et voilà. Et donc, j'ai édité un faux journal patronal, par exemple. Donc il avait... la même première page, le même logo. Mais évidemment, les articles étaient complètement différents. C'était mes articles qui tous cassaient la hiérarchie en petits morceaux, quoi. Et la hiérarchie me croisait dans les couloirs en disant « Ouais, j'ai beaucoup aimé cet article-là. » Voilà. Ouais, ça, c'est une fameuse histoire, tout ça, ouais, en fond. Je, à la fois, j'ai souffert parce que j'étais sanctionné régulièrement, parce qu'il y avait ce poids de la censure permanente, mais à la fois, je me suis bien amusé. Pendant ces 30 ans de travail à la RTB, j'ai beaucoup pris mon pied, hein, beaucoup. Hein. Voilà. T'as beaucoup pris ton pied. Oui. Mais tiens, aujourd'hui, en 2017, parce que t'arrivais plus à te souvenir du temps en arrière, bon, ça n'a pas d'importance au fond. Hein. Je suis gâteux, hein. Je suis gâteux, donc j'oublie un peu. Mais là, on est en 2017. Oui. Comment est-ce que tu vois l'évolution de cette RTB en étant évidemment plus dedans, mais en l'écoutant, peut-être en croisant des collègues ou autres, parce que j'imagine que t'en croises quand même, t'as des discussions avec. Ben, j'ai remarqué une chose qui me fait fort plaisir, c'est qu'avec l'apparition d'Internet, et donc des réseaux sociaux, et des systèmes comme Wikileaks, donc les dénonciations par ce qu'on appelle aujourd'hui des lanceurs d'alerte de certaines pratiques comme les Panama Papers et tout ça, un des effets de ces pratiques de lanceurs d'alerte, c'est que les journaux classiques sont obligés de suivre, sinon ils sont ridicules. Et d'ailleurs, dans le dernier, les Panama Papers, il y a des journalistes du soir qui ont fonctionné avec les lanceurs d'alerte. Donc ils se sont dit, le seul moyen de rattraper la bulle qui se dégonfle, parce que ça se dégonfle vite, hein, il y a de moins en moins de lecteurs de journaux papier, et donc pour les journaux papier, c'est une véritable catastrophe en termes de revenus financiers. Ils n'ont plus de publicité, ou plus beaucoup, ils n'ont plus de lecteurs, ou plus beaucoup. Donc pour eux, c'est un gros, gros problème. Et se raccrocher au train des lanceurs d'alerte, pour eux, c'est une manière de se sauver un peu la mise. Je voyais bien ça quand il y avait le site internet de la RTB qui lançait des informations que ne lançaient pas les autres rédactions de la RTB ou les journaux, presse écrite. Ce que nous révélions sur notre site était repris par les journaux qui ne voulaient pas se laisser distancer. Et donc c'était une bonne chose, pour moi c'était une bonne chose. C'est un peu compliqué, un peu lourd, mais ça marchait, voilà. Donc j'ai été lanceur d'alerte, hein. J'ai dénoncé la table ronde européenne des industriels, raconté ce qu'elle faisait. C'est un lobby patronal, hein, la table ronde européenne des industriels. Donc j'ai révélé en 1996 qui elle était, comment elle avait été fondée, par qui, dans quelles circonstances, dans quel but, et comment elle fonctionnait. Et ça a fait un scandale, ça a fait le tour du monde. Et c'est une très bonne chose, quoi. Voilà. Mais tu trouves pas qu'on vit un peu dans les scandales récurrents, là, à notre époque? Enfin, je veux dire, c'est scandale sur scandale, et en fait, quelque part, c'est comme si c'était celui qui allait lancer... le plus la scandale l'histoire la plus scandaleuse pour faire le buzz. Attends, mais ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai l'impression que il y a pas d'arrière, quoi. C'est comme si on suivait pas l'affaire derrière. C'est scandale, oui, mais après au niveau des médias on fait tout lisse, mais au fond on sait jamais vraiment qu'est-ce qui se passe derrière. J'ai l'impression que c'est comme ça aujourd'hui. Mais qui a révélé le dernier scandale dont on parle beaucoup en Belgique? C'est un fonctionnaire, ce n'est pas un journaliste. De quel scandale tu parles? Publifine. Hein, c'est un fonctionnaire, écœuré parce qu'il voyait autour de lui. Et de plus en plus, et quand tu parles de scandale, les scandales ne sont pas acceptés, sont de moins en moins acceptés et acceptables pour le grand public. Donc, ce qui se passe, tu parles de scandalite. Oui, il y a de plus en plus de scandales. Oui, on parle de plus en plus des scandales. Mais il y a toujours eu des scandales dont on ne parlait pas. Et là, ça commence à sortir. Pourquoi ça sort? Parce que les gens en ont marre. Ils en ont marre de vivre dans un monde corrompu où tout s'achète et se vend, surtout le silence. Et voilà, donc il y aura de plus en plus de scandales parce qu'il y a de plus en plus de gens révoltés. Et si les journalistes écoutent les gens révoltés, ben ils propagent les scandales révélés par les gens révoltés, et ça nous donne l'impression de vivre dans un monde de scandales, c'est vrai. Mais il y a des scandales, mais en veux-tu à l'appel, quoi. Mais oui, j'ai l'impression que c'est surtout le monde est scandaleux, non? Oui, mais le monde capitaliste dans lequel on vit, l'effondrement bancaire voulu par les subprimes, ou déclenché par les subprimes aux États-Unis, subprimes qui sont une escroquerie à l'échelle des États-Unis, mais énorme, qui a eu des effets sur le monde entier. C'est un scandale. Et ça n'a jamais, à l'époque, été dénoncé comme scandale, mais c'est un scandale. Oui, on vit une époque, ça c'est sûr, on dirait comme ces deux vieux là, mais non, vraiment, il y a un souci là, hein. Il y a un souci de manière de vivre aujourd'hui, mais peut-être aussi avant. C'est ça aussi, peut-être toi tu vois ton regard, parce que t'es né en 1944, Gérard, t'as vraiment pu voir la fin d'une guerre, t'as pu voir aussi mai 68, enfin voilà. Qu'est-ce que tu penses en fait de notre époque? Parce que j'avais envie de juste faire une petite image. Moi j'arrive chez toi, il y a un mec comme ça qui ramasse, t'as déjà vu ça, les cacas, mais pas que les cacas, c'est aussi les mégots, les canettes, dans un espèce d'appareil glouton qui fait, quand tu passes à côté, un bruit ouh. Et en marchant à côté, je me dis, mais quand même, on est dans un monde de ouf, quoi. Tu vois, cette machine, elle produit de l'électricité. Tu dis ? Elle utilise de l'électricité. Oui, elle utilise de l'électricité. Oui, elle produit pas de l'électricité. Elle utilise de l'électricité, soit. Je me dis, on est quand même dans... C'est pas que ça, évidemment, c'est pas que cette image-là, mais ça va aussi, pour moi, jusque-là. C'est-à-dire qu'on n'est même plus capable de ramasser... les déchets, simplement, tranquillement. Enfin, toi, tout est compliqué, quoi. Voilà, tout est compliqué. Mais dans un pays ultra-capitaliste comme les États-Unis, il existe des fonctions, des métiers qui n'existent pas chez nous. Par exemple, ensacheur. Tu sais ce que c'est, un ensacheur ? C'est la personne qui emballe tes courses quand tu vas faire tes courses à la grande surface. Donc, au bout devant la caisse, il y a une jeune personne, en général c'est des jeunes, mais il y a aussi des vieux, qui mettent tes courses dans un sachet. Et à qui on apprend d'ailleurs à mettre un double sachet quand il y a des choses lourdes. Pas mal. Pour que ça ne crève pas. Mais t'imagines comme boulot, en sacheur. Il y a des gens, nous quand les automobilistes chez nous vont au parking, ils poussent sur un bouton, la barrière se lève, ils prennent un ticket, puis ils payent en sortant. Aux États-Unis, non. C'est une personne qui lève la barrière. C'est pas des métiers. On donne ça comme occupation à des gens qui n'ont pas de revenus. Et donc, ça leur paye, mais des clopinettes. Mais c'est considéré comme des métiers. Donc, c'est horrible, quoi. Horrible. Bon, je repose ma question. Toi, ton regard, né en 44, la guerre, ouais. comment ton regard sur toutes ces années passées, comme ça, sur tout ce que tu as vécu, ta manière là, et aujourd'hui, en 2017, sur notre manière de vivre comme ça, qu'est-ce que tu aurais à dire, toi? Moi, je suis d'un optimisme féroce. Je vis dans la mesure du possible. Chichement, donc je ne vis pas dans le luxe, je me déplace en Vespa, c'est un choix, je ne veux pas de bagnole. Bourgeois. Non, je ne veux pas de bagnole, je veux un truc léger, qui ne prenne pas beaucoup de place, qui ne pollue pas beaucoup, donc c'est un choix, je m'habille toujours avec les mêmes vêtements, sans luxe, et voilà quoi. Mais je suis d'un optimisme délirant sur... ce que nous sommes en train de vivre comme période. Bon, il y a 40 ans, j'étais déjà très écologiste. Pourquoi ? Parce que j'adorais la nature, Donc je lisais énormément de livres de biologie, de zoologie, et j'avais pris conscience que nous, espèces humaines, mettions en péril énormément d'espèces animales et végétales. Et donc, j'avais un discours, dans ma famille, on se moquait de moi. On disait, mais témoin de Jéhovah, arrête de parler de ça. Je parlais d'équilibre naturel. Mais pour eux, l'équilibre naturel, c'était l'inconnu, quoi. Or, on en est aujourd'hui où tout le monde sait ce qu'est l'équilibre naturel. Tout le monde sait que nous faisons du mal à notre mère nourricière, la Terre. Tout le monde le sait. Personne ne le conteste. On ne m'appellerait plus jamais... Si, Donald Trump et compagnie, il y a des connards pour qu'on continue à contester. Mais ça. Comment ça se fait, ce changement? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ça a percolé doucement dans l'esprit des gens. Mais il y a eu l'apparition des écologistes. Surtout, on vit encore à du 2000 à l'heure de plus en plus de bagnoles. Enfin, c'est la folie. Absolument. C'est devenu évident aux yeux et aux oreilles de tout le monde que nous ne vivons pas bien. Et donc, ça dérange de plus en plus les gens. Et comme je te le disais, ça percole dans les têtes. Le discours écologiste s'introduit partout, parce qu'il a raison. Quand un météorologue dit que la température moyenne va s'élever de 2 degrés d'ici la fin du siècle, mais 2 degrés, pendant la dernière grande glaciation qu'a connue la Terre, il faisait 1 degré de moins qu'aujourd'hui. Donc avec 1 degré, on a des... Comme la Belgique était couverte de 30 mètres de glace, à cause de 1 degré de différence, imaginez 2 degrés de plus. Mais ici, c'est le Sahara. Donc les gens... prennent conscience de ça et se disent « c'est pas possible de continuer comme ça ». Alors maintenant, de là à jeter sa voiture et à dire « on va vivre comme de Célis chichement et s'acheter une Vespa pour polluer moins », non, tout le monde ne va pas faire ça. Mais la conscience, elle occupe les esprits. Oui, c'est sûr. Et puis, tout le monde, comment expliquer ça? On est tellement... plusieurs aussi sur la Terre, enfin en tout cas ici en Belgique, même si on se limite à parler de la Belgique, je veux dire, tout le monde n'a pas l'occasion de rouler en Vespa, il y en a qui, enfin tu vois, tout le monde, il y a des gens qui finissent leur mois aussi, enfin tu vois, on peut pas tous être au même niveau. Bien sûr. Enfin voilà, il y en a qui bouclent leur fin de mois, il y en a qui ont même pas la conscience de cette écologie dont on parle, et enfin voilà. C'est devenu une minorité, hein. Moi, si on m'appelait témoin de Jéhovah il y a 40 ans quand je parlais d'équilibre de la nature, on n'appellerait plus jamais quelqu'un témoin de Jéhovah parce qu'il parle de l'équilibre naturel aujourd'hui. Ça, les mentalités ont changé. Donc c'est pour ça que je dis que je suis optimiste, parce que les choses évoluent vite quand même. Bon, pas assez vite à mes yeux, mais quand même assez vite. La conférence de Paris n'aurait jamais eu lieu il y a 20 ans, jamais. Il y a eu la conférence de Rome il y a 30 ans, qui déjà disait la même chose que la conférence de Paris. Mais la conférence de Rome, c'était des vieux pachydermes, scientifiques en général, philosophes aussi, qui ont dit à ce moment-là, il y a 30 ans donc, « Attention, nous allons droit dans le mur ». Mais personne ne les a écoutés à l'époque, parce que les gens n'étaient pas prêts. Donc il n'y avait pas eu ce percolement, je sais pas si on dit ça... On s'en fout. On se comprend. Hein. On s'est compris, là. Oui. Mais surtout, moi, ce que je trouve dingue, c'est que toi, tu as... Enfin, moi, je trouve que nous vivons dans un monde très, très, très... J'ai envie de le dire, voilà, j'avoue, C'est très hypocrite, quoi. Tu vois, c'est comme si on jouait, on fait une cope par-ci, on fait une cope par-là. Mais à quoi on joue, en fait? Moi, c'est vraiment ça que je me demande. Et j'ai l'impression que si il y a vraiment conflit ou si les choses doivent bouger, c'est par les gens que ça bougera, comme ça se répète dans l'histoire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens ne croient plus à cette espèce de représentation politique et de cope par-ci, puisque là, on parle d'écologie, mais ça pourrait être aussi plein d'autres sujets, quoi. Mais tu as tout à fait raison. Moi, je reste persuadé que ce sont les gens qui vont faire bouger les choses. Ce ne sont pas les hommes politiques qui sont en retard, systématiquement en retard. Mais il y a, comme je l'ai dit, ce percolement de la pensée sensée qui est énorme. Et qui, un jour, je n'en doute pas, va aboutir à... Allez, quand on lit les économistes les plus pointus d'aujourd'hui, tous prévoient la fin du capitalisme. Pourquoi ils prévoient la fin du capitalisme? Parce qu'ils sont persuadés que c'est mauvais, le capitalisme? Mais non, pas du tout. Parce qu'ils disent que c'est un système qui ne peut pas tenir. Ça ne peut pas continuer. Scientifiquement, ça peut pas continuer. Ça va se casser la gueule. Bah, matériellement, déjà, non? Mais oui, tout à fait. Tout à fait. Les choses évoluent, les pensées évoluent, et les gens évoluent aussi. Avant, maintenant, on dit quand les gens vont manifester dans la rue, on dit qu'ils manifestent. Avant, les manifestations s'appelaient les émotions. Non, c'est vrai? Oui. Okay. Oui. Quand? Eh bien, au début du... Jamais entendu. Au début du 19e siècle, on parlait d'une émotion populaire. Ah ouais. La révolution de 1848 en France et partout en Europe, c'était une émotion populaire. Et nous en revenons aux émotions. Et j'utilise ce mot délibérément parce que ça va plus loin que manifestation. On manifeste avec les pieds. Mais on a une émotion, ça va jusqu'aux tripes, c'est profond, ça, voilà. Donc c'est pour ça que je suis optimiste. Je crois que si on nous laisse un peu le temps, à nous, humanité, pour réagir bien, on finira par ne plus tuer la mer, terre. Mais c'est bien. Mais moi, oui, j'entends bien, mais c'est chouette d'être positive. Moi, je suis positive, Gérard. Oui. Je suis positive. Oui. Mais... je trouve que le monde va mal et que c'est devenu un peu comme si tout tournait fou comme ça, comme si c'était flou. J'ai l'impression qu'il y a une énergie comme ça de plus en plus menaçante. Alors que je suis pas du tout parano. Enfin, tu vois, j'ai pas du tout cette énergie en moi. J'ai l'impression que le fascisme est vraiment là, on s'affiche de plus en plus raciste, on le dit ouvertement. Enfin, tu vois, c'est vraiment... ça pue, quoi. Oui et non. C'est-à-dire que ce qu'il y a maintenant, c'est que l'information circule dans tous les sens en provenance de n'importe où. Alors, évidemment, les voix fascistes qu'on entendait à peine il y a encore 30 ans, on les entend beaucoup aujourd'hui parce qu'elles inondent les réseaux sociaux, Facebook et les autres. Parce que y a les gens dans la rue aussi qui votent plus. Enfin, on l'a vu aussi récemment. C'est pour ça qu'on leur donne aussi la parole via la radio, par exemple. Tu vois? Écoute, moi, on m'a toujours dit ça. On m'a toujours dit oui, mais les gens dans la rue, quand tu vas sur un marché, tu fais un peu de blabla avec les gens, ils disent ouais, tous pareils, les hommes politiques, tous pourris. J'ai lancé un jour une pétition pour qu'on accorde la nationalité belge aux étrangers qui résidaient depuis 5 ans en Belgique. Cette pétition a recueilli 1 200 000 signatures. C'était avant Internet, hein. Donc j'ai passé des week-ends entiers à faire signer des feuilles de papier dans la rue, sur les marchés et tout ça. Et beaucoup de gens me disaient « Ouais, mais ça sert à quoi ?» Bon, 1 200 000, la plus grosse pétition jamais recueillie en Belgique. On la porte chez De Haene, qui était Premier ministre. Et le brave De Haene nous reçoit dans son cabinet, 16 rue de la Loi, et il me dit « Ouais, on n'y arrivera jamais, hein. C'est impossible, hein. Accorder la nationalité après 5 ans, c'est impossible. » Hein. Il me dit ça comme ça. Moi, je dis rien. 5 ans après, la loi était passée. La loi accordant la nationalité belge automatiquement aux étrangers qui résidaient en Belgique depuis 5 ans. Donc voilà, même De Haan se trompait, quoi. Mais moi, je dis pas, qu'on se comprenne bien, moi, je ne dis pas que c'est pas... Pour moi, tout est possible, hein. Oui, oui. Mais avec ce qui se passe pour le moment dans notre système, ça, c'est chaud, quoi. Enfin, c'est surtout ça. Moi, je crois que tout est possible, hein. Il suffit de se mettre, de se mettre autour de la table, d'avoir de la volonté, de le faire. Je veux dire, un monde génial où ce soit harmonieux, équilibré, c'est tout à fait possible, hein. Oui, oui. C'est pas ça que je parle. Je parle du réel, du réel en ce moment, quoi. J'écoutais la radio ce matin, ça craint, quoi. Enfin, tu vois, avec tout ce qui se passe. On est occupé à mettre la barre plus haut. Et je recevais aussi de nouveau à la radio la semaine dernière, quand tu viens de la communauté marocaine, enfin, tu vois, quand tu fais ta religion, c'est chaud pour ces gens-là en ce moment. Hein. Je veux dire, ça dépend aussi où on se place dans la... Dans la sphère, quoi, mais je veux dire, il y a des migrants qui sont installés à tel endroit, les flics débarquent, ils les emmènent et ils sont occupés aussi à construire des nouveaux centres fermés pour tous ces gens, quoi. Enfin, je veux dire, c'est chaud. Alors, peut-être ça dépend où on se situe si on est blanc, un peu jaune ou bien un peu noir. Bon, je rigole en disant ça. Mais il faut. Le problème, c'est que tu parlais de radio. Donc, si on écoute la radio, on entend de la merde. On entend de la merde. Et un des credos des journalistes cons, c'est-à-dire la plupart, qui est de dire « bonne nouvelle, pas de nouvelles ». Donc, il faut donner des mauvaises nouvelles. Ça, ce sont des nouvelles. Mais si on n'entend que ça, évidemment qu'on bat le beurre... On nage dans la choucroute, on ne sait plus où on en est. Mais il faut savoir qu'il y a des milliers d'informations positives tous les jours, d'événements positifs. Il ne faut pas se laisser submerger par le discours dominant qui est encore de dire « tout va mal ». Voilà, non, ce n'est pas vrai. Ouais, là, je ne sais plus quoi dire. Parce que j'ai tellement entendu dans des discussions comme ça, oui, c'est ce que tu dis, quoi. Oui, les médias, mais moi, je regarde très peu les médias. Hein. Enfin, tu vois, je suis pas tout... J'ai pas la télé, je... Moi non plus, j'ai pas la télé, j'écoute la radio. Et quelle bonne nouvelle, alors? Quelle bonne nouvelle t'as entendue récemment, ou t'as vu, ou... D'abord, des nouvelles que je pêche sur Internet, parce que c'est là qu'elles circulent le plus. Et d'ailleurs, il y a des réseaux qui... Il y en a un qui s'appelle Bonne Nouvelle et qui envoie par courriel le plus possible à ses adhérents des bonnes nouvelles. Que tel truc... Par exemple, la ville de Grenoble a interdit la publicité dans ses abribus. Ben, c'est génial! Une ville qui a interdit la publicité dans les abribus. Monsieur Decaux, il peut aller se coucher, hein. D'ailleurs, il est très fâché. Mais c'est merveilleux. Et donc, quand des informations comme ça se font connaître, ça donne des idées à d'autres. Je m'occupe pour le moment d'un truc qui s'appelle tout autre chose. C'est un mouvement. C'est un mouvement de réflexion. On se pose des questions sur où allons-nous, comment faisons-nous, qu'allons-nous devenir, que faut-il faire. Le titre, le nom de ce mouvement dit bien ce qu'il veut dire. Tout autre chose. Nous voulons vivre une toute autre vie, une toute autre société. Et nous œuvrons pour ça. Bon, nous ne sommes pas très nombreux, mais on a organisé trois manifestations à Bruxelles. Donc c'est pas un parti, c'est pas un syndicat. On organise une manif à Bruxelles, 15 000 personnes, sous la pluie, il faisait froid à mort, mais ils étaient là. Deuxième manif, 20 000 personnes. Troisième manif, c'était il y a un mois, on a dressé la plus longue table du monde à travers Bruxelles, à laquelle se sont attablées 10 000 personnes. Voilà, donc c'est dans le cadre de toute autre chose. Ce sont des gens qui veulent réfléchir à une autre société, une autre vie. Mais ça, c'est sûr, il y en a, et ils sont de plus en plus nombreux à vouloir changer les choses, ça c'est sûr. Oui. Après, on verra comment les choses se passent. Hein. Oui. Mais on pourrait terminer peut-être là-dessus, quand tu parles de... Bon, toi, tu as été journaliste pendant 30 ans, même un peu plus, tu as dit. Oui. On a l'impression, enfin, toi, t'essayais de faire ton boulot correct, que c'était pas toujours facile, mais voilà, t'as combattu même dans ton boulot, même à la RTB pour pouvoir faire comme t'avais envie, même si c'était pas facile. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens à la RTB qui que tu aimes bien, en fait, des gens que tu te dis, ah, ou peut-être pas simplement à la RTB, mais des journalistes qui font super bien leur métier. Est-ce que tu as des références là-dedans? Ce qui m'étonne le plus, c'est qu'à la RTB, les meilleurs ne sont pas journalistes. Ce ne sont pas ceux qui font les informations. Ce sont ceux qui dirigent des émissions dans lesquelles on parle de tous les sujets, on aborde tous les sujets, et ils le font avec intelligence. Ils recontextualisent l'événement. Ils essayent d'expliquer. Ils essayent de faire en sorte qu'on ait envie de changer les choses. Oui, j'ai donc des collègues ou des ex-collègues que je ne connais pas, ils sont trop jeunes, et moi trop vieux surtout, qui font un très très bon boulot. Et partout, dans tous les journaux, hein, il y a toujours des gens qui essayent de faire mieux et qui y arrivent. Donc c'est assez encourageant. Je t'ai parlé des MOOC, donc c'est les magazines, on dit MOOC parce que c'est magazine livre, book, donc c'est pas des books, ce sont des MOOC, ce sont des magazines qui essayent d'aborder l'information autrement, et ces MOOC se multiplient pour le moment parce que les gens ont envie et besoin. Ça coûte la peau du cul aussi. Ouais, c'est vrai, malheureusement. Tu vois, c'est pas une info accessible à tous, quoi. Il faut déjà pouvoir mettre la thune là-dedans. Enfin, ouais, voilà. Ouais, je suis d'accord. Oui, bon, bah, les MOOC gratuits, hein, ça, on y arrivera peut-être un jour. Mais donc, il y a du journalisme ou il y a des journalistes qui à tes yeux, sont bons, qui font du bon boulot, quoi. Parce que je trouve que c'est souvent rare de t'entendre dire qu'un tel, surtout à la RTB, quoi. Tu vois, c'est comme si toi, je te charrie un peu. C'est comme si toi, t'étais le meilleur, quoi. Je te charrie, Gérard. Oui. Mais il y a des gens très valables qui font des choses très valables à la RTB. Et j'écoute avec plaisir. Par exemple, il y a un magazine le samedi que j'écoute toujours avec plaisir, parce que c'est intelligent, c'est bien fait, c'est documenté, c'est bien commenté, voilà. Donc je trouve qu'il y a des gens bien, et je les encourage à rester, à continuer. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours évident. Non, parce que la hiérarchie veut toujours son chiffre, hein, il veut son audience. Alors dès qu'il y a une petite baisse d'audience, c'est l'horreur. Mais voilà. Non. Il y a des gens bien. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Il n'y a pas que toi qui es bien. Mais heureusement que non, heureusement. Bon Dieu. Je t'ai charrié. Oui. Bah non, je vais répéter que je suis optimiste et je crois vraiment que les choses changent, peut-être pas assez vite aux yeux de certains, mais dans l'échelle historique, les choses changent incroyablement. On n'aurait jamais eu une résistance pareille à un horrible Donald Trump il y a 30 ans, comme on l'a aujourd'hui. On n'aurait jamais eu ça, quoi. Allez, c'est incroyable, quoi. Je l'ai appris hier, que des patrons américains, des grands patrons, disent à Donald Trump, va te faire voir ta renonciation aux accords de Paris. Nous, on va les respecter. Mais c'est incroyable, quoi. Donc, c'était inimaginable il y a encore quelques années. Qu'est-ce que tu veux dire qui était inimaginable, qu'un président se mette à dos ses propres collaborateurs, c'est ça? Qu'un président qui, en principe, est de droite et défend le patronat se mettre une partie de son patronat à dos par ses décisions stupides, c'était imprévisible il y a encore 20 ans, ah bon 10 ans. Ah bon, ah bon ? Mais oui, ah bon. Quoi, ça, tu veux dire que ça n'arrive jamais que les gens se mettent à dos leurs propres collègues ? C'est le brave John Kennedy que tout le monde adore, n'est-ce pas ? Le pauvre, il s'est fait assassiner en plus. C'est le brave John Kennedy qui a fait la guerre du Vietnam. Et à l'époque, il n'y a personne qui s'est insurgé contre ça. Donc, un pays aussi grand que les États-Unis déclare et fait la guerre à un petit pays d'Asie du Sud-Est, le Vietnam. Une guerre qui a duré 7 ans, où 200 000 militaires américains ont perdu la vie, ou sont revenus estropiés. C'était le brave John Kennedy. Tout le monde était d'accord avec John Kennedy. Mais il y avait des enjeux économiques, on est d'accord. Bah, c'est d'abord ça, la guerre. Bah oui, mais bon... Mais je veux dire, je fais le parallèle, moi, avec Trump. Je veux dire, ce type, il est pas très... En tout cas, on le montre comme quelqu'un de pas très fin, de pas très intelligent. Bah, c'était le cas de Kennedy aussi. Hein. Kennedy n'était pas très fin, pas très malin. Il a été l'amant de Marilyn Monroe, ok, d'accord. Oui, mais quoi, ça veut dire qu'un... Comment c'était la femme qui allait être au pouvoir, c'était pas Donald Trump ? Hein ? Quand il y a eu les présidentielles, il y avait Donald Trump, et comment elle s'appelle cette femme ? Hillary Clinton est plus crédible, alors que c'est une salope aussi, déguisée. Je ne me prononcerai pas sur Hillary Clinton. Non, mais on partait de l'idée, essayons de ne pas perdre le fil, on partait de l'idée, tu disais que c'était incroyable, tu disais que c'était ça, incroyable aujourd'hui, en 2017, qu'un gars comme Trump, président des États-Unis, se mette à dos ses collaborateurs. Oui. Ses alliés principaux, le patronat américain. Donc ses alliés principaux, qui sont les patrons américains, se retournent contre lui. C'était inimaginable il y a 10 ans. C'était le genre de truc qu'on ne connaissait pas. C'est pour ça que je parle de Kennedy. Quand Kennedy a fait la guerre au Vietnam, personne aux États-Unis, à l'époque, ne s'est insurgé. Oui, oui, mais je comprends pas pourquoi ce serait positif, ça, alors que je comprends pas pourquoi ce serait positif que Trump se mette à dos ses collaborateurs. Mais c'est bon signe. C'est signe que ces collaborateurs, comme tu les appelles, les autres patrons, les grands patrons américains, ne sont pas d'accord avec lui et s'insurgent et lui désobéissent. C'est du jamais vu jusqu'à présent. Oui, mais il y a d'autres enjeux, c'est pas simplement... Mais on va pas chipoter dans les enjeux et commencer à chercher les détails et tout. En gros, le patronat américain dit merde à Trump. C'est le principal. Quelles que soient les raisons, économiques, tout ça. Bah ouais, d'accord, mais enfin moi je vois les choses, ouais, je trouve qu'on est tellement manipulé, machin bazar, qu'il y a sûrement autre chose qui s'agit, c'est pas simplement que les mecs ils veulent plus jouer avec Trump parce qu'il veut pas parce qu'il s'enlève de la COP quoi, tu vois, moi je crois qu'il y a autre chose qui se joue et qu'on le voit pas, voilà. Ces patrons américains-là ont pris conscience qu'effectivement, si on continuait à polluer et à réchauffer l'atmosphère comme on le fait aujourd'hui, c'était la fin de l'humanité. Et eux, ils n'ont pas envie de la fin de l'humanité. Ah, tu crois ça, toi, Gérard ? Oui, je suis sûr. On est vraiment pas... Moi, j'y crois pas, quoi. Je crois pas que ces gros industriels se disent ça. J'y crois pas. Ils sont pas stupides. Ils se disent qu'il y a moyen de faire sûrement du business Oui, s'il n'y a plus d'humanité, il n'y a plus moyen de faire du business, oui. Non, d'accord. Alors moi, je vois tellement les industriels ou les hommes de pouvoir avec plein de pognon comme des gens pervers, je suis désolée, j'assume complètement, que je me dis qu'ils ont sûrement un truc derrière la tête de se dire « Ah ben, on va faire du business en étant, en protégeant le climat, quoi. » Un truc comme ça, tu vois Oui, oui, il y en a certains qui... C'est la nouvelle économie de demain, en fait. Oui, c'est la protection du climat et ça rapportera beaucoup plus. Oui. Il y en a qui se le disent, comme ça. Comme ça. Ils se disent, on va construire des digues, on va construire des éoliennes, on va construire des barrages et on mettra plein de pognon en poche. Et ils ont raison. Ils ont raison, qu'est-ce que tu veux dire ? Plein de pognon en poche. Ouais. Oui. Bah, donc, Et alors ? Et alors, ça veut dire que c'est pas... Enfin, tu vois, ça va être de nouveau du business et ça va être de nouveau... Mais, comme je te l'ai dit il y a quelques minutes, des capitalistes eux-mêmes, des penseurs capitalistes, prévoient la fin du capitalisme. Donc ces méchants monsieur qui veulent faire du pognon à tout prix, eh bien, bientôt, il n'y en aura plus. Du pognon ? De méchants monsieur. j'y crois pas. Enfin voilà, c'était ça notre discussion, mais c'est intéressant. Moi, j'y crois pas. J'y crois pas qu'il y aura plus de méchants monsieur. J'y crois pas. Voilà, je suis désolée, Gérard. Tu m'en veux pas ? C'est pas grave, Gratiella. C'est pas grave. Bon.